D'arrêter, tu arrêteras. À 9m15, tu resteras. Du roller en toute sobriété, tu feras. Un lieu paisible, tu animeras. En pape, tu paraderas. Des flambis, tu rattraperas. Dans Ikea, tu feras caca. À dîner, tu commanderas. La route, tu enflammeras, ha ha. Oh, en public, tu t'endormiras. La voiture du président, tu dépouilleras.